violent, j'écris des rimes qui cognent. Justice, je m'isole, oui, je picole. J'aurais pu appeler ce morceau trip, t'ivrogne. Je suis style qui comme. Ah, ok. Yeah! Non violent, j'écris des rimes qui cognent. J'tise, j'm'isole, oui, j'picole. J'aurais pu appeler ce morceau trip d'ivrogne. J'suis type qui, comme tantôt, poste ses titres. M-Buck, c'est le beat, pas pour enjailler les gosses débiles et pas trop s'équipe. J'avance seul dans ce tas d'emmerdes qui me font mettre ma vie sociale entre parenthèses. Mais j'reste debout, malgré mon apparence faible. Peu dans mon assiette, comme un végétarien pour qui ça part en steak. J'suis timide, mais j'ai le courage d'admettre qu'ici c'est marche ou crève, alors je cours à ma perte. C'est que l'ours sera ma peine, je sais pas. On verra, pour l'instant je rappe, même si c'est pas le bon départ. Mais bon, mais bon, je suis sous les cartes, je navigue. Ou si tu perds, t'es haï par tous les gars de ta ville. A force, la lassitude les aura peut-être tous à l'usure. Là tu peux plus soutenir quelqu'un sans qu'on dise hey, pourquoi tu suces. Ah, y'a quand même des gens lamentables, déjà adultes. Mais leur plume est longue, 16 ans d'âge mental, putain. T'es le best du rap, mais faudrait peut-être admettre que tu vaux rien, j'ai rien en poche. Pourtant je me paye ta tête et je vais pas perdre la mienne. J'aurais pas de quoi me le permettre. Je voulais croquer, on m'a dit Yann va te faire mettre. Me parle pas de respect, non. J'apprends à encaisser les coups, au cas où des patates se perdraient. Je dis ça car ici on fait grave les marioles. Au lieu de céder, faire des sons, on préfère s'éclater la gueule. Tout ça me saoule, pas toi. Pas toi. Peu de gens s'entraident gros, y'a que dans les maisons closes que les gens s'ouvrent à toi. Alors j'emmerde ta race, écoute encaisse la frappe. Mate ma gueule, moi j'ai rien à faire dans le gangsta rap. Et c'est sans faire blabla que je viens poser mes pros. Causer des dégâts vu que cette année je vais oser des choses. Je remercie ceux qui sont partants pour mes proches, j'ai le paradoxe. C'est que je regrette l'époque de pas tant pour les regrets. Je suis désolé si c'est pas le pire tube 2016. Texte de cramé, y'a que quand je titube que je m'y plais. Pour s'imposer, suffit pas d'être nombreux. J'ai la carrure d'une allumette, mais je compte bien faire long feu. C'est vos textes et vos bêtises faut soigner. Je suis sûr que tu m'écouterais si j'étais ce métis trop soigné. Donc, pour le peu qu'écoute, je me dois de bosser le truc. C'est trop facile de prendre mes mics, parler que de meuf et de pute. Trop facile, trop facile. Je vais rien apporter de plus. Je préfère avoir bonne conscience qu'avoir une bonne répute. Putain, je rappe dans l'ombre, je suis débile, je sais. Mais j'ai préféré faire ça qu'avaler des litres de sperme pendant que des types se perdent. Kiffe sur des zics de merde, s'il te plaît. Sois sincère, au lieu de faire style que t'aimes ce que je fais. Débite ce texte refrain. Je suis pas ce mec street. Même si je m'excite, sache dans mes titres, je reste vrai. Bah ouais. Je suis pas ce mec arrogant, la plume antisociale. Je prends sur moi pour que ce texte parle aux gens. Je m'accroche à ce qui me sert de rêve dans ce business de merde. Je veux voir mes parents fiers et qu'ils voient que leur fils reste le même. Je tiens pas les ficelles de ce game. Je suis pas le best de quoi que ce soit. Pas de quoi jouer les choses, reste personne dans ce rap. Je ne vois personne blanche.